et la gâte. J'ai pas top, j'ai plein de blabla. J'pète une clope, c'est Mister Tula. Fake bengouze, choque les tous sur la grégouze. J'ai bizarre, mec, chat, j'ai pas là. Où on va, qu'ils ont fait, on se régale. Au dégaine, mais j'ai personne. Rentre chez toi et téléphone qui sonne. Demande à bengouze, j'croyais que t'avais bon. Elle t'a mis un pouce. Tu fais le fan, tu pisses tout. Tu vois la beluga de Moscou. Pourquoi tu fais le costaud? Tu pourrais finir à l'hosto. Prends pas, tu rigoles. Ça écoute en colle, en boîte, en tol. Quand ça break, ça vole. Quand c'est tout seul ou que ça fume, un peu de poser avec sa folle. Ça folle, ça folle. J'cap même si la roue est voilée. En T-Max ou en quad. En survêt dans ta soirée. J'cap même si la roue est voilée. En T-Max ou en quad. En survêt dans ta soirée. Fais la gâche, j'ai pas top, j'ai plein de blabla, j'pète une clope, c'est Mr. Tula, fake bengouze, choque les tous sur la grégouze. J'ai bizarre, mec, chat, j'ai pas là, où on va, qu'ils ont fait, on se régale. Au dégaine, mais j'ai personne, rentre chez toi et fais des fonds qui sonnent. La potion dans la taille que j'roule en zone. J'ai claqué deux verres comme la veille, c'est pour toutes les zones. C'est pour toutes les zones. J'étais au Pinel dans la mille. Plus longtemps, je me retrouve avec les mille. Le rond-point de l'escale, pareil que c'est miné. Toi, c'est ton plan, mais lui, il aime que c'est lié. Évidemment, je lève le TDM. Et c'est que t'as gagné. Quand elle me voit passer, y'a écrit Joule. Derrière le maillot de l'OM. Évidemment, je lève le TDM. Et c'est que t'as gagné. Quand elle me voit passer, y'a écrit Joule. Derrière le maillot de l'OM. Fais la gâche, j'ai pas top. J'ai plein de blabla. J'pète une clope, c'est Mr. Joule. Fake bengouze, choque les tous sur la grégouze. J'ai bizarre, mec, chat, j'ai pas là. Où on va, qu'ils ont fait, on se régale. Au dégaine, mais j'ai personne. Rentre chez toi et téléphone qui sonne. Voilà. Tu l'attendais, c'est là, hein, gros. Joue là. Featuring Bengouze. Qu'est-ce qu'il y a, gros? Ah, y'a pas un pour faire deux, mon bar. Qu'est-ce qu'il y a, remarquement, là, frère? Hein? Fabi? J'ai Banca, là? Au Fada? Tout ça, gros? Sa fille? Ce que si? Sa fille? Tout ça? Qui est là? Où est-ce que tu es? Tu bébé? Bah, bah, j'ai compris, mon bébé. Eh ouais, c'était la night, là. Chafé, oh, au costard, oh là là, la cousine, y'a pas que tu un peu plus mon bébé, eh, ça va, c'est la régale, série quoi boire, on est là, on est comme toi, qu'est-ce qu'on fait, on boit pas un coup mon bébé, hein, eh là maman, sur, je t'embrasse, allez bitch, je vais gonfler, allez bitch.